beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à encore plus denté, tous les négros, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à encore plus denté, tous les négros, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place pour tous les mecs qui sont ras, avec un son qui vient tout droit de Wenka. C'est nous les mecs de Wenka, cette année elle est trop spéciale. Fini la différence racielle, par vous c'est nous, on est là pour vous, Wenka, nos cités à nous, alors écoutez-nous. C'est ce morceau qui vient du centre de Mayotte, c'est-à-dire Wenka. Là le rap fait le mélange, on s'affile la mort, battre le corps de notre seul but, but, but. C'est qui le compte dans ma zone. Je suis le petit frère de Bob et ça c'est mon job. Mon place vient du 976, écoutez c'est mal fait 976, représente par vos 976. Et ouais, on m'arrête pas, je délivre mes mots pour aller plus haut. Mon soin est aussi destiné à tous les fringas, ça c'est Wenka, hi, hi. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à encore plus denté, tous les négros, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à encore plus denté, tous les négros, c'est toujours chaud au micro. Malsain et assassin sur une nouvelle place. Mayotte, c'est un trop fort, je ne blague pas. Ça c'est la réalité qui cule dans mon nez. Pour ceux qui kiffent mon son, je vais vous prendre. Je me tais sur cette nouvelle carrière et bougez vos derrière. Nous voilà sur scène, très jeune. Notre son fera la politique, mais que la république. Sans c'était nouveau style de l'an 2000. On chantera plus pour demain, flan baissera toujours les keufs. Cette année, c'est la fête dans tout Mayotte. Wenka, on est tous des frères dans la même galère. Derrière, c'est Ravo, Massé, Edmond, et c'est DJ Nickman, ceux qui nous aiment pas car on fait de Wenka, tant pis pour eux car ce sont des malheureux. Malheureux que tu es, je te foquerai jusqu'à l'avenir et je vais te faire sentir mes humeurs de rappeur car hi hi, c'est pas faux 976 qui est une nouvelle phase. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à prendre en confidence de tous les négos, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à prendre en confidence de tous les négos, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à prendre en confidence de tous les négos, c'est toujours chaud au micro. C'est pas beau dans la place, c'est à pour tous les mecs qui sont assez à prendre en confidence de tous les négos.